La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment l'Europe pense-t-elle ? En 1933, le philosophe allemand Edmund Husserl se trouve interdit de toute activité académique dans son propre pays, au motif qu'il est juif. Le 7 mai 1935, il donne à Vienne une conférence qui fera date. Elle s'intitule « La crise de l'humanité européenne et la philosophie ». Le vieil homme sent le sol s'écrouler sous ses pieds. Il saisit pleinement la gravité de la situation historique. Hitler est au pouvoir depuis plus de 2 ans. Mais sa riposte n'est pas dirigée contre des personnalités ou des groupes politiques. Son regard se porte plus loin, vers la crise qui agite l'Europe. L'Europe qui, dit-il, calcule désormais davantage qu'elle ne pense. L'Europe qui a perdu la signification du dépôt spirituel hérité de l'Antiquité grecque. Ce qui a lancé l'Europe, explique-t-il, ce qui l'a fait accéder, explique-t-il, à la dignité d'une humanité capable de tâches infinies, ce fut l'émergence miraculeuse de la pensée interrogative. Or, cette humanité-là connaît une crise, car elle devient toujours plus étrangère à sa propre essence. Les questions qui l'intéressent désormais le plus commencent par comment et non plus par pourquoi. À qui la faute ? À Galilée, répond Husserl. Car la révolution galilienne, explique-t-il, ne se ramène pas à la victoire de la science sur l'ignorance, l'illusion ou le préjugé. Elle inaugure également la substitution par laquelle le monde mathématique, c'est-à-dire le monde des idéalités, est pris pour le seul monde réel, mettant hors jeu nos affects, nos sensations, nos humeurs. Et ce qu'elle a mis hors jeu, on le tient désormais pour presque rien, tout au plus une apparence. Husserl écrit « Galilée a taillé un vêtement d'idées dans l'infinité ouverte des expériences possibles, mais il s'est comporté en couturier despotique. » Il a décrété que le réel ne portait pas d'autre vêtement que celui-là. Cette décision a fait que nous prenons pour l'être vrai, ce qui n'est que méthode, et sous le règne de cette confusion, la raison ne répond plus à la question « qu'est-ce que ?», mais seulement à la question « comment ?». Fin de citation. En d'autres termes, et si je comprends bien, la pensée interrogative ayant cédé le pas à l'impératif d'efficacité maximale s'enliserait dans l'objectivisme, dans la pensée calculante plutôt que méditante. Husserl avait-il raison ? Comment l'Europe pense-t-elle et se pense-t-elle ? Et le fait-elle bien ? Pour répondre à cette question, à ces questions, j'ai invité Jean-Marc Ferry. Bonjour Jean-Marc Ferry. Bonjour Étienne Klein. Vous êtes philosophe, vous êtes titulaire de la chaire de philosophie de l'Europe de l'Université de Nantes et vous êtes considéré comme l'un des analystes les plus originaux de l'Europe et de la singularité de sa construction. Alors, comme beaucoup de nos auditeurs, j'ai l'impression que ce sont surtout les hommes politiques et les femmes politiques qui parlent d'Europe, rarement les philosophes. Est-ce que vous êtes un original, puisque l'Europe est devenue votre grande passion ? J'espère que je ne serai pas tout seul, et je ne le suis déjà plus, pour réfléchir philosophiquement sur l'Europe. Parce que, comme vous le disiez, à propos en référence à Husserl, il y existe une Europe philosophique, c'était son expression, qui était d'ailleurs équivalente à l'expression d'Europe spirituelle. Et je pense que cette idée d'Europe, cette idée d'une Europe philosophique, doit être gardée, comme disait Hannah Arendt, au fond de la mer. Dès lors que l'on pense à l'Europe, ce n'est pas seulement l'Europe politique, ce n'est pas non plus seulement l'Europe historique et culturelle. De cela se distingue encore l'Europe philosophique ou spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire ? En raccourci, si l'on se réfère à Edmund Husserl, que l'humanité européenne, ce qu'il appelle l'humanité européenne, puisque c'est un élément du titre de sa conférence de Vienne, c'est cette humanité qui est capable d'élaborer des projets dont la réalisation présuppose une tâche infinie. C'est ça l'humanité européenne, c'est cette espèce de transcendance immanente, c'est encore une expression husserlienne, d'une humanité capable de se projeter en quelque sorte hors d'elle-même. Et à cette image de l'Europe fait écho aussi une réflexion, une petite phrase d'un autre philosophe antérieur, mais non moins grand, Hegel, qui disait notamment En Europe, ce qui compte, c'est cette marche de la vie vers plus loin qu'elle-même. Encore une image de transcendance immanente. Alors, devant vous, j'ai l'impression de passer un oral de philosophie, d'où ma question. Est-ce que j'ai bien compris ce que voulait dire Husserl ? À savoir que l'Europe, finalement, s'est éloignée de sa propre essence et qu'elle ne pose plus les questions qui l'avaient fondée. Oui, si c'est cela. Et de toute façon, Étienne Klein, je vous fais confiance pour comprendre le geste de Husserl. Non, vous ne devriez pas, parce qu'il y a des textes de Husserl que je n'arrive pas à comprendre. Par exemple, dans cette conférence, il dit « Ou bien l'Europe disparaîtra si elle se rend trop étrangère à sa propre signification rationnelle, ou bien l'Europe renaîtra de l'esprit de la philosophie grâce à un héroïsme de la raison, il met des guillemets, qui surmontera le naturalisme. Oui. » Héroïsme d'un nouveau Taumazain, j'ai bien dit Taumazain, qui retrouvera sa force dans la foi, en la mission humaine de l'Occident, et dans la conviction que seul l'esprit est immortel. Oui, alors essayons d'expliquer avec des mots simples. Voilà. Alors le Taumazain, c'est un verbe grec, c'est le fait de pouvoir s'étonner. Donc c'est ça, voyez-vous, là je parle ici, vous y serez sensible, comme le scientifique que vous êtes, il sera très sensible, cette capacité de s'étonner, c'est le point important. Et la critique de Husserl est sous-jacente à cette parole, elle signifie, et c'est là qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas commettre de contresens, c'est pas une diatribe contre la raison et contre le rationalisme en général, ce n'est pas cela. Il n'est pas antirationaliste, même s'il peut y avoir après Husserl des dérives antirationalistes. Ce que Husserl critique, ce n'est pas la raison, c'est l'enlisement d'une certaine figure de la rationalité dans ce qu'il appelle, là vous avez dit le mot, naturalisme, ainsi que l'objectivisme. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est cette façon de se prendre à l'apparence. Quelle apparence ? C'est l'apparence que le réel est déjà tout fait devant vous, structuré selon des lois. Or, dit Husserl, c'est oublier la subjectivité constitutive qui est derrière ces objectivations réalisées par la science et qui font que le monde a une structure rationnelle. Donc, pour le dire très très simplement, le réel n'est pas rationnel en soi, ou du moins nous n'en savons rien. Nous pouvons peut-être le postuler à titre régulateur pour la science, n'est-ce pas ? Mais c'est nous qui construisons, en quelque sorte, cette rationalité du réel. Oublier cela, c'est fétichiser, en quelque sorte, l'image scientifique de la réalité. Mais Jean-Marc Ferry, juste après cette conférence de Vienne, il y a eu la guerre, enfin quelques années après, et est-ce que ça ne fait pas paraître rétrospectivement la position de Husserl comme étant un peu naïve ? Il croit à une Europe de la philosophie, il pense même que l'esprit d'Europe c'est la philosophie, et réciproquement, et il pense en termes d'Europe spirituelle, comme vous l'avez dit, mais il y a eu la guerre et on est passé d'une Europe sans unité politique à une Europe politique sans idée culturelle, comme vous le dites en citant quelqu'un dans l'un de vos ouvrages. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme était tel qu'on ne croyait plus dans l'Europe spirituelle, dans l'Europe philosophique. En doute, on voulait l'Europe politique. Je pense notamment à cet événement intellectuel que constituent les premières rencontres internationales de Genève. Je crois me souvenir que c'était, enfin, je ne m'en souviens pas personnellement, mais si ma mémoire est bonne, c'était en 1946. Et là, au fond, d'ailleurs, très peu de ces intellectuels qui étaient présents, sauf Merleau-Ponty, Jaspers, mais des intellectuels comme Lukács, comme Lucien Benda, comme même de Rougemont, n'avaient sans doute pas lu Husserl. Et beaucoup d'entre eux ne croyaient pas à la force de l'idée. Ils croyaient que l'urgence, c'était de éradiquer le mal politique. Starobinski, qui a présidé très très longtemps ces rencontres internationales de Genève, avait dit une parole frappante, l'anti-Europe est dans l'Europe, et là, il fallait extirper les démons, donc nationalistes, impérialistes, fascistes. C'est ça l'anti-Europe, c'est le nationalisme, c'est le fascisme, l'anti-Europe. C'est les totalitarismes, oui. Donc au fond, ça présuppose quand même que la vraie Europe, si j'ose dire, c'est le contraire de c'est le cosmopolitisme, c'est l'humanisme, mais ce n'était pas thématisé comme tel et il y avait un ennemi. Il y avait un ennemi, l'idée que même si on avait gagné la guerre contre le national-socialisme, il y avait un fascisme résiduel qui travaillait chaque esprit national. Nous allons y revenir, Jean-Marc Ferry, mais avant de continuer à parler d'Europe, je voudrais qu'on fasse un petit détour par un autre livre que vous avez écrit qui s'appelle « Les grammaires de l'intelligence ». Cette émission s'appelle « La conversation scientifique », donc il faut qu'on parle un petit peu de science quand même. Et j'ai été frappé par les premières lignes de ce livre, dans lesquelles vous dites ceci. « La philosophie contemporaine se réclame d'une pensée post-métaphysique, mais il est une question métaphysique dont elle ne se débarrasse pas. Qu'est-ce que le réel ?» Alors attendez, je continue la lecture de votre première page, enfin quelques lignes en tout cas. « Chez les anciens, il s'agissait de pouvoir s'élever au-dessus de l'apparence et par la contemplation d'accéder à une connaissance des essences. » Chez les modernes, en fonction de l'héritage théologique, on se posa le problème un peu différemment. Du fait que le monde a été créé par un entendement qui n'est pas le nôtre, il se pourrait que la raison d'être des choses soit tout autre chose que la raison selon laquelle nous croyons pouvoir connaître ces choses. Qu'est-ce qui donc nous fonde à penser que ce que nous nous représentons correspond bien à la réalité ? Donc c'est la question du réel, qui est une question que les scientifiques, les physiciens par exemple, n'ont pas abandonnée. Il y a eu récemment la découverte du boson de Higgs, encore plus récemment la détection des ondes gravitationnelles. Donc les physiciens ont l'impression, grâce à des équations qui leur permettent d'entrer en contact avec la réalité, qu'ils sont bien placés pour nous dire ce qu'est le réel. Et donc à votre avis, est-ce que la philosophie, dont vous êtes un représentant, doit tenir compte de ces découvertes des physiciens, ou est-ce que la question du réel restera éternellement une question métaphysique, question infinie? Il y a dans votre question, il y en a deux. Il y a la question de la réalité et la question de la vérité, des énoncés sur la réalité. Elles ne sont pas reliées? Elles sont reliées de façon interne, mais quand même, ce n'est pas immédiatement la même chose, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas que de ce que nous avons dit à propos de Husserl et de cette espèce d'apparence que projette l'image scientifique qui se confond avec le réel lui-même, je ne voudrais pas qu'on en tire l'idée que les découvertes scientifiques ne touchent pas le réel et qu'elles n'ont qu'une vérité tout à fait relative. Non pas qu'il y ait une vérité absolue, je ne sais pas ce que cela veut dire, ça, nous sommes dans la métaphysique dans ce cas, mais ce serait tout à fait de mauvais aloi, à mon avis, que de considérer que les énoncés scientifiques n'ont pas de rapport à la vérité au sens emphatique. Oui, c'est vrai, même si il est de bonne méthode de considérer que tout acquis scientifique, tout ce que l'on appelle les vérités sanctionnées depuis Gaston Bachelard, eh bien peut toujours faire l'objet d'une remise en cause, n'est-ce pas ? C'est donc la vérité, elle n'est pas détenue, mais elle est donc toujours en perpétuel procès, en éventuel devenir, elle est au moins visée. Mais elle est là entre nous, présente dans les débats. C'est la vérité, c'est l'index qui fait qu'on peut réviser une position. S'il n'y avait pas cet index-là, ce serait n'importe quoi, ce serait du Prévert, n'est-ce pas ? Donc il y a véritablement une logique de la découverte qui est régulée par la vérité, ou si vous préférez, par l'idée de la vérité. Maintenant, donc, il ne s'agit pas de dire que ce que découvrent les sciences, c'est pas vrai, au contraire, et je pense que même c'est très difficile de résister à l'admiration et à l'étonnement quand on découvre sans arrêt ce dont vous avez parlé, justement, par exemple, les ondes gravitationnelles. Bon, comment ne pas penser qu'on tient là quelque chose du réel ? Évidemment que oui, on tient quelque chose du réel, même si c'est notre façon d'interroger le réel, ça ne veut pas dire qu'elle soit fausse ou qu'elle soit relative. C'est notre façon d'interroger le réel, c'est notre approche du réel, c'est notre découverte du réel, en quelque sorte. Mais, la question qui se pose par rapport à la réalité, c'est quelle est sa définition, où va-t-elle, là où s'arrête-t-elle ? Est-ce que l'esprit est réel ? Est-ce qu'il n'y a que la matière ? Est-ce que la réalité s'identifie strictement à l'existence tangible ? Est-ce que la réalité est seulement spatiale ou spatio-temporelle ? Ou est-ce qu'il y a des réalités non spatiales, par exemple ? Pensez simplement à l'État, pensez à la démocratie, pensez même à l'université, pensez ce ne sont pas des réalités spatiales. L'université ne se confond pas avec les bureaux, les locaux, etc. L'État ne se confond avec aucun de ces bâtiments. Ce sont des réalités spirituelles, ces réalités-là. Et bien, bien réelles, bien objectives. Mais elles n'existent pas dans la dimension spatiale. Elles n'existent, si vous préférez, que dans la dimension temporelle. Et puis il y a d'autres réalités. Et vous êtes philosophe, donc j'imagine que vous n'allez pas nier la réalité de l'esprit, sauf à scier la branche sur laquelle votre discipline est assise. Mais justement, je pense que c'est avec un physicien que je m'entends le mieux, métaphysiquement parlant. Et ce serait difficile de discuter avec des philosophes, certains d'entre eux, qui sont très, très durement matérialistes. Donc c'est une profession de foi, ils en arrivent même à ce que l'on appelle dans le langage, un peu dans le jargon philosophique, à des contradictions performatives. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire que de nier la réalité de l'esprit quand on est en train d'en discuter, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui est mis en œuvre si ce n'est l'esprit vivant dans les propositions, dans les discussions, etc. Ou bien dire que la vérité est relative, ce qui est d'ailleurs son anagramme et qui est une phrase qui se contredit elle-même. Ou alors, oui. Qui prononce un énoncé qui, si elle est vraie, devient relatif. Même sans aller jusqu'aux anagrammes qui vous sont chers, Étienne Klein, c'est vrai qu'on se prend dans une contradiction en affirmant que la vérité est relative, ou encore, évidemment, a fortiori, en affirmant il n'y a pas de vérité, la vérité n'existe pas, que signifie cette proposition si elle n'est pas liée à une prétention inévacuable à la vérité. Donc c'est ça, les contradictions performatives. C'est pas quelque chose d'amusant seulement. C'est pas un petit jeu, les contradictions performatives. Parce que si vous faites, et c'est aussi un travail philosophique, un inventaire très systématique de tout ce que vous ne pouvez pas contester sans devoir en même temps le présupposer, eh bien vous tenez là un socle. Et c'est une façon de renouveler la métaphysique de façon post-métaphysique, n'est-ce pas ? C'est-à-dire sans confondre la pensée et le réel, puisqu'on pourrait dire que ce que l'on appelle péjorativement la métaphysique, depuis Kant en tout cas, ce sont ce qu'il appelait les illusions transcendantales ou encore les illusions de la métaphysique. Mais vous êtes d'accord pour dire que les contradictions peuvent être fécondes pour la pensée ? Par exemple, la crise des fondements en mathématiques au début du XXe siècle. Oui. Est lié à la prise en compte, à la détection de contradictions dans les formalismes de la théorie des ensembles, par exemple. Oui, mais ce ne sont pas vraiment des contradictions performatives. Voyez-vous, une contradiction performative, c'est ce qu'on ne peut pas contester sans devoir en même temps le présupposer. Il y a des contradictions logico-sémantiques. Alors, celles-là, elles sont fécondes, je suis d'accord. Mais les contradictions performatives, on peut dire qu'elles sont fécondes, mais dans un autre sens. C'est-à-dire que là, elles doivent être regardées comme ce qui situe, en quelque sorte, le lieu que nous devons accepter sans pouvoir le démontrer, c'est le lieu de la confiance ontologique, en quelque sorte. Vous ne pouvez pas contester, à mon avis, la liberté humaine, vous ne pouvez pas contester la réalité de l'esprit sans devoir les présupposer. Vous avez là donc un socle qui serait tout à fait excessif de nommer croyance. Ce ne sont pas des croyances, c'est beaucoup plus que cela. Ce sont des présuppositions incontournables pour la réflexion. Et dans ce cas-là, nous, le philosophe qui n'aime pas laisser flotter ces choses-là, qui sont évidentes pour le sens commun, n'est-ce pas, mais qui ne sont pas évidentes pour le scientifique et pour le philosophe, la réalité du monde extérieur, par exemple, c'est une évidence non évidente, si je puis dire. C'est indémontrable. Justifie le Thomas Zayn, n'est-ce pas, c'est indémontrable, mais irrécusable. Ou incontournable. Eh ben, il faut les postuler. Il ne faut pas simplement les laisser flotter. Il faut, ces présuppositions doivent se transformer en postulations. Alors, Jean-Marc Ferry, vous parlez de socle. Il y a un socle dans cette émission. C'est qu'à la 20e minute, on écoute le premier morceau de musique que vous avez choisi. Il s'agit, si mes notes ne me trompent pas, de la fantaisie chromatique de Bach. De Jean-Sébastien Bach, interprété par ce génie disparu depuis déjà longtemps, qu'est Wanda Landowska, dont je suis presque amoureux, vous jugerez vous-même. Thank you. Jean-Marc Ferry, vous avez donc choisi la fantaisie chromatique de Bach pour des raisons que vous avez en partie dévoilées. Vous êtes presque amoureux de celle qui est au piano, là. Totalement, totalement. Vous avez dit presque. C'est une musique extraordinaire. C'est une musique des étoiles, c'est magnifique. Mais vous n'avez pas de dire pourquoi. Je m'étais, oui, c'est une musique qui affectivement aussi signifie beaucoup pour moi, parce que j'ai eu la témérité de la déchiffrer et de la jouer. Certes, 100 000 fois moins bien que Wanda Landowska, mais quand même, j'y arrivais. J'y arrivais et c'était ma passion. Bravo. Alors, on va parler d'Europe, on va continuer à parler d'Europe, mais avant, je voudrais que vous expliquiez le titre de ce livre que j'ai un peu cité. J'ai lu tout à l'heure les premières lignes qui s'intitulent « Les grammaires de l'intelligence ». Est-ce que vous pouvez brièvement dire en quoi consistent ces grammaires? C'est un titre étonnant. C'est un sens large, délibérément large, pour mettre à distance ce que l'on appelle ordinairement la grammaire, qui est la grammaire de nos manuels scolaires, avec sujet, verbe, complément, des propositions articulées entre elles. On appelle une grammaire conjonctive ou syntaxique. Mais il existe d'autres grammaires, c'est-à-dire des agencements de signes qui codent non seulement nos comportements, mais aussi nos rapports au monde. Alors, pour dire les choses vite, je distingue 4 grandes grammaires qui me semblent très pertinentes, mais qui ne sont pas limitées au genre humain. Vous parlez des animaux. Tout le règne intelligent, dirais-je. Et qu'est-ce que veut dire intelligent? Pour moi, c'est la capacité de s'adapter en fonction de signes. Le mot est important, c'est pas s'adapter n'importe comment, c'est en fonction de signes. Alors justement, les signes, il faut aller les chercher également en amont du langage, et en particulier, par exemple, à mon avis, c'est la première grammaire, mais qui est également valable pour des animaux, c'est la grammaire associative, des associations d'images, qu'on pourrait dire évocationnelles. Pourquoi? Parce que quand l'image évoque une autre image, elle devient signe. Et donc, c'est cette grammaire, pour faire comprendre les choses de façon plus sensible, qui est à l'œuvre dans les rêves. Les rêves nous parlent par image, souvent, ou par association d'images, plutôt par évocation. C'est une grammaire très importante qui a fait l'objet de travaux géniaux de la part de Freud, parce que on peut dire que toute la théorie des névroses, et puis plus tard chez Freud, celle des grandes institutions comme les religions, trouve son origine, sa source, dans ses études sur les mécanismes d'engendrement des rêves. Donc c'est absolument matriciel chez lui. Ça, c'est une première grammaire. Et puis une deuxième qui s'articule d'ailleurs tout de suite à la première, donc à la grammaire iconique, pourrait-on dire, évocationnelle ou associative, il y a la grammaire des indices. C'est pas exactement celle des icônes, c'est une grammaire des imputations de rôle. Des projections, par exemple, vous avez ça dans les transferts amoureux ou dans les phénomènes de déplacement, si on emploie encore le langage de la psychanalyse. Mais là, c'est plus l'analyse des rêves, c'est plutôt toujours en langage thérapeutique, mais c'est pas, je veux pas dire par là qu'il faille soigner cela. Par exemple, les thérapies de groupe, voyez-vous, là, c'est les relations. Vous prenez quelqu'un pour quelqu'un d'autre, vous jouez un jeu que vous un avez, jeu de rôle. Un jeu de rôle, oui, mais un jeu que vous avez manqué avec, je sais pas qui, avec quelqu'un de votre famille ou autre, n'est-ce pas, et vous le jouez avec un autre. Donc, ce sont des phénomènes de déplacement, de projection, etc. Mais pas seulement. Ce que je veux dire ici, c'est que ces grammaires-là primaires, elles ont joué un très grand rôle. Elles étaient même à l'avant-scène de certaines civilisations qui ont duré plus longtemps que notre civilisation moderne. Quand un monde repose sur les présages, sur les prémonitions, sur les oracles, ce que nous, modernes, nous appelons volontiers superstition, eh bien, ils font fonctionner ces grammaires-là. Et je fais l'hypothèse que si ça ne fonctionnait pas quelque part, les civilisations n'auraient pas duré bien longtemps. Donc toutes les grammaires, les 4 que vous venez d'évoquer, fonctionnent un peu. J'en ai évoqué pour le moment 2, n'est-ce pas ? Non, 3 ? Oui, ou 3 si vous voulez, parce qu'il y a cette troisième grammaire à laquelle je viens, qui est donc celle des propositions, la grammaire propositionnelle, qu'on peut l'appeler syntaxique ou propositionnelle, peu importe. Donc c'est celle de nos manuels. Mais ce que je, dans ce livre dont vous me faites que vous me faites le plaisir d'évoquer et qui m'est très cher, ce livre auquel c'est peut-être celui auquel je tiens le plus d'une certaine façon. Eh bien, cette grammaire-là, je veux pas en avoir un concept scolaire pour moi, et je pense à la distinction que Kant avait introduite à propos de la science. Justement, il distinguait entre un concept scolastique ou scolaire, hein, Schule, Begriff, disait-il, et un concept cosmique ou mondain, un Weltbegriff. Eh bien, moi, c'est le Weltbegriff de la grammaire qui m'intéresse, c'est-à-dire un concept cosmique de la grammaire. Ça veut dire que cette grammaire-là, des pronoms personnels, je, tu, il, des temps, le présent, le passé, l'avenir, des modes, est-ce que ça existe ou est-ce que, enfin, on dit l'indicatif, le subjonctif ou encore une forme de gérondif de ce qui doit être. Cette grammaire-là, elle exprime, bien au-delà du phénomène linguistique, la différenciation de nos rapports au monde. Est-ce que j'ai le droit de dire que vous avez déscolarisé la grammaire ? Bon, ah ben c'est très gentil, c'est vrai. Et c'est vraiment cela le projet. Elle a une valeur ontologique, cette grammaire, parce qu'il s'agit de nos rapports au monde. Et l'idée, c'est que ça ne s'est pas fait d'un coup, c'est pas tombé du ciel. C'est un long travail du deuil. Le petit enfant apprend que certaines catégories d'êtres ne répondent pas quand on crie, quand on réclame, quand on appelle. Il y a des êtres qui répondent, d'autres qui ne répondent pas. Ceux qui ne répondent pas deviennent un « il ». Ceux qui répondent sont un « tu ». Et quand on prend conscience de soi, le « je » advient, mais n'advient qu'après les deux autres personnes. Logiquement, et je crois également empiriquement, c'est vérifiable. Et puis bon, si vous le permettez, j'achève. Il y a une quatrième grammaire qui n'est pas du tout évidente, qui s'appuie sur la grammaire des modes. Je ne peux pas développer ici cela. Mais c'est la grammaire des idées régulatrices. On en parlait à propos de la vérité, par exemple. Et tout ce qui est contrefactuel, tout ce dont les sceptiques et les matérialistes diraient ça n'existe pas, mais dont nous avons absolument besoin pour penser. Qu'est-ce qui se passerait si ? Oui. C'est ça, le contrefactuel. Le contrefactuel, oui. Je l'entends dans ce sens que, même si la question n'est même pas que ça existe ou que ça n'existe pas, mais c'est ce que vous dites, c'est-à-dire comme si. Nous devons fonctionner comme si. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, si vous voulez bien, Jean-Marc Ferry, nous allons maintenant reprendre cette discussion sur la pensée en Europe. Oui. Oui. Vous connaissez cette histoire de cet automobiliste complètement perdu dans la campagne irlandaise. Il n'y a pas de panneau, il est complètement raconté, perdu. Je crois que je ne connais pas. Et il finit par croiser un promeneur auquel il demande « Monsieur, savez-vous comment je pourrais aller à Dublin ?» Et l'homme de lui répondre, oui, mais ce n'est pas du tout d'ici qu'il faut partir. Et donc ma question, c'est quand on parle d'Europe, par où on commence ? Est-ce qu'on commence par l'histoire ? Est-ce qu'on dit que finalement l'Europe se définit par son histoire ? J'ai trouvé une citation, mais je ne sais plus de qui elle est, de quelqu'un qui dit « l'Europe, pour l'Europe, le récit n'est pas un luxe, ce n'est pas une histoire pour les enfants avant d'aller dormir. Non, le récit européen est en fin de compte une question de survie. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que l'Europe se construit par l'histoire plutôt que par la géographie, par exemple ? Elle s'est construite historiquement d'abord par une conscience de soi que je dirais géographique. C'est ça le premier événement, vous savez, il est récent. Il date du XVIe siècle. Les cartographies se sont multipliées à cette époque de l'Europe. Avant cela, mettons avant la deuxième moitié du XVe siècle, l'Europe n'avait aucune valeur de référentiel pour ce que nous appelons aujourd'hui les Européens. Je dirais que c'est parce que, et dans la mesure où la chrétienté a éclaté, c'est pas le schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident à laquelle je fais référence, c'est la grande guerre des religions entre catholiques et protestants. Et là, il n'y avait plus cette unité de la Christianitas. Il n'y avait plus cette chrétienté comme référent. Et d'ailleurs, dans une encyclopédie qui date du XVIe siècle, d'un certain Louis le Roi, au chapitre chrétien, il a marqué « voire européen ». La référence à la chrétienté faisait défaut à partir de cet éclatement, et c'est là que Europe a pris sa place. Et là, on s'est mis... En même temps que ça, c'est négatif comme facteur, n'est-ce pas ? Mais il y a eu en même temps cet élément positif dans la conscience de soi. Avant, il n'y avait pas de conscience de soi d'être européen. faire remonter l'Europe à Charlemagne, ça ne veut pas du tout dire qu'on est tu. On avait conscience d'être un franc, d'être un lombard, mais pas d'être un Européen du tout, n'est-ce pas? Et la conscience de soi est apparue, d'être Européen, est apparue à ce moment-là. Donc l'histoire de l'Europe commence par la prise de conscience de sa géographie. Oui, par la prise. Et là, vous avez, c'est attesté par ces cartographies qui se multiplient, et vous avez quelque chose de nouveau. C'est cette conscience de soi positive, pas seulement négative, que nous ne sommes plus chrétiens, une de façon univoque, mais il y a cette conscience de soi positive que les Européens dominent les autres grands continents. Alors, vous avez des images, des sculptures, par exemple, aussi, où Europe, n'est-ce pas, n'est plus du tout cette jeune fille absolument adorable qui a été... On dit qu'elle a été enlevée, mais en fait, elle avait été séduite par Zeus, elle était partie... Bon, il y a eu toutes sortes d'édulcorations après. C'est plus cette jolie fille, c'est une reine assez rigide, avec une couronne sur la tête, et qui domine Asie, Afrique, Amérique. Alors, Asie est très richement vêtue, Afrique est vêtue de peau de panthère ou je ne sais quoi, et Amérique est nue, avec une tête de crâne humain dans la main. Il faut dire qu'ils sont des cannibales. Et donc, c'est l'idée que l'Europe est là, maintenant, devenue la première civilisation parmi les autres continents. Et elle a vocation à fixer les lois du monde. Voilà. Ah oui, ça, c'était devenu une évidence qui s'est renforcée par la suite jusqu'à la fin du 19e siècle, même au début du 20e siècle. Mais Kant disait, et il le disait sans arrogance, d'ailleurs il était anticolonialiste, il disait l'Europe qui donnera ses lois au monde. Alors vous parlez de géographie, est-ce que vous connaissez les travaux d'un ancien physicien qui s'appelle David Cossandet, qui a écrit des livres sur l'Europe en remarquant que l'Europe a une géographie très particulière par rapport aux autres continents. Il parle de thalassographie articulée. L'idée qu'il y a beaucoup de bras de mer dans l'Europe, ce qui permet la constitution d'États stables et prospères, et en même temps oblige à des liens de communication avec les autres. Oui. Et donc on se confronte, par nécessité géographique et commerciale, à la pensée de l'autre. Et que ça a fécondé la vie intellectuelle de l'Europe à partir du XVIe siècle. Mais oui, c'est très intéressant et très juste. Ça recoupe aussi d'autres analyses. Il a même calculé la dimension fractale de l'Europe. Ah, alors expliquez-moi ça. C'est-à-dire que justement, l'Europe est beaucoup plus hachée dans sa géographie que l'Australie ou que l'Asie. Et que ça conduit à une fermentation intellectuelle plus grande que dans les monoblocs qu'on trouve par ailleurs. Tout à fait. Vous savez, dans un des livres que j'avais commis sur l'Europe, qui s'appelle « La voix kantienne », je commence mon introduction, ma préface par « C'est un rêve, c'est contrefactuel, comme on dirait. C'est la planète aura été percutée de telle sorte que il y aura eu un déplacement des pôles, voyez-vous. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, là, toute la région des Grands Lacs en Amérique du Nord, elle n'est plus du côté du pôle Nord, et elle devient, le climat devient tempéré et agréable. Et si vous regardez cette région-là, ça fait penser à une géographie propice à la civilisation, comme vous le disiez. Or, c'est une expérience de pensée, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est ça le rôle de la Méditerranée. Et ça pourrait se jouer ailleurs si, en plus, le climat était tempéré dans la région des Grands Lacs. Mais on parle de géographie, mais d'histoire, en fait, on parle d'espace-temps. Oui. Est-ce que un des problèmes de l'Europe d'aujourd'hui, c'est pas que ça ne vient pas de ce que les mémoires se sont balkanisées? C'est-à-dire que selon les nations où on se trouve, la façon de raconter l'histoire n'est pas... Oui, mais c'est une bonne chose d'une certaine façon. L'histoire n'est pas terminée. Comme on dit, il y a une dialectique. C'est-à-dire, c'est vrai que le continent européen, c'est son originalité, qui s'est estompé depuis lors, s'est structuré verticalement. C'est-à-dire que l'espace européen s'est structuré suivant le modèle des nations. Ça n'a pas toujours été le cas. Longtemps, il y a eu les empires, n'est-ce pas? Mais après la Première Guerre mondiale, la structuration fut essentiellement nationale, avec des mémoires fragmentées, en effet, comme vous le dites. Ça, c'est un premier temps de l'âge moderne. Mais il y a le deuxième temps de l'âge moderne dans lequel nous entrons, et qui est celui de l'échange des mémoires ou du croisement des récits, comme disait Paul Ricoeur, c'est-à-dire qu'il est grand temps, de confronter nos récits de ce qui s'est passé, par exemple, lors de la Première Guerre mondiale. Nous savons que il y a toujours un petit malentendu franco-allemand, malgré tout, en ce qui concerne l'après-Première Guerre mondiale. Mais comment est-ce qu'on pourrait comparer ces mémoires? Quel travail faudrait-il accomplir? Mais il faut une confrontation civile, amicale, conviviale, publique. Faut pas faire un livre d'histoire comme on le fait souvent, comme on veut l'entreprendre au Conseil de l'Europe, par exemple, c'est-à-dire mettre sous le boisseau tout ce qui fait dissensus entre les mémoires. Au contraire, ce qu'il faudrait thématiser, c'est cela. Tout ce qui fait divergence mérite d'être thématisé, il mérite d'être expliqué. Nous sommes maintenant assez réconciliés entre nous au sein de l'Europe, en tout cas au sein de l'Europe occidentale et centrale même, pour pouvoir nous expliquer sur notre vécu. Je pense qu'il est grand temps de jouer carte sur table, de mettre nos mémoires et les conflits de mémoire en arène. C'est très important pour parvenir à une mémoire décentrée, sinon commune. La mémoire ne sera pas commune. C'est ça l'Europe, comme dit la devise européenne, in varietate concordia, c'est uni dans la diversité. Il faut cette diversité des mémoires, des langues, des histoires, mais il faut qu'elles s'ouvrent les unes aux autres. Et c'est ça l'Europe. C'est un universel complexe, c'est un universel qui n'est pas uniformisant, un universel qui ne gomme surtout pas les singularités. Mais où ça va jusqu'où l'Europe, d'un point de vue géographique? Oh, ça ne doit pas être préjugé. Vous savez, quand Charles de Gaulle avait parlé de l'Atlantique à l'Oural, c'était une image qui n'est pas totalement dépourvue de pertinence. Mais en ce qui concerne, il ne faut pas confondre l'Union européenne et l'Europe. L'Union européenne, c'est un projet de construction politique à partir de l'Europe. C'est très différent, n'est-ce pas? Souvent, dans la classe publique, que ce soit celle des journalistes ou des dirigeants politiques, on dit Europe pour dire Union européenne. Ben non, pas du tout. L'Union européenne, c'est d'ailleurs un schéma tout à fait ouvert dans son principe, n'est-ce pas? Même si aujourd'hui, il y a un repli euronationaliste, dirais-je. Mais qui n'est pas le repli souverainiste national, c'est pas la même chose. Mais il y a des critères de fermeture qui sont officiels. Ce sont les fameux critères de Copenhague. Et selon ces critères, qui ne sont pas géographiques, hein, je précise, eh bien, le premier, c'est que les États entrants aient bien intériorisé les principes de la démocratie, des droits de l'homme, de ce qu'on appelle l'État de droit surtout. Ça, c'est le critère, une condition non suffisante, mais nécessaire, sine qua non. Sinon, en principe, n'est-ce pas, ça n'a pas été respecté, je le dis tout de suite, mais en principe, vous ne faites pas partie de l'Union si vous n'avez pas intériorisé l'État de droit démocratique et ses principes et ses valeurs. Le deuxième critère, c'est l'eurocompatibilité économique. Non, c'est plus un critère constitutionnaliste, c'est un critère plutôt fonctionnaliste. Bon, il est réaliste. Puis un troisième critère, beaucoup plus feutré, beaucoup plus implicite. Il ne faut pas qu'il y ait trop de chocs culturels avec le nouvel entrant, rapport aux femmes, rapport aux étrangers, etc. Bien, il faut que ce soit compatible du point de vue des arrière-plans culturels quand même. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter des pays dont l'arrière-plan religieux n'est pas chrétien. Pas du tout. C'est pas du tout ça que ça veut dire. Et lorsqu'on a rejeté la Turquie sous l'argument que c'était un État islamique et asiatique, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de bonne raison de rejeter la Turquie. Mais ça, c'était des très mauvaises raisons, qui ne correspondent absolument pas à la philosophie de l'Europe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille intégrer l'Australie, bien sûr, il faut un minimum de réalisme de cohérence géographique, n'est-ce pas? Mais tous ceux qui ont vraiment satisfont à ces critères dits de Copenhague, peuvent potentiellement être candidats à l'Union européenne. Jean-Marc Ferry. Je vous interromps, je suis désolé. C'est le temps venu pour le second morceau de musique, Beethoven. Oui, la sonate Kreutzer, et qui est donc une très belle sonate pour piano et violon, avec deux interprètes que je vénère, qui sont anciens, et qui étaient des amis d'ailleurs. Il s'agit de Alfred Cortot, bien sûr, le piano, et Thibaut pour le violon. Thibaut qui est extraordinaire. Mais j'aurais pu prendre d'autres, n'est-ce pas? Mais ils ont joué ensemble pour cette sonate à Kreutzer. Et vous verrez, c'est très beau. Thank you. Ferry, la sonate à Kreutzer de Beethoven. Vous avez expliqué les raisons de votre choix, mais on vous sent très ému quand vous écoutez cette musique que vous connaissez par cœur. Oui, en effet, je suis ému parce que ce que j'admire plus que cela chez Beethoven, c'est cette capacité, avec des thèmes extrêmement simples, de pouvoir faire une musique extraordinaire, magnifique. Et puis, il y a les interprètes. Thibaut a été un petit peu critiqué parfois, mais il y a un tel souffle, un tel esprit dans sa façon de jouer, même si ce n'est pas techniquement toujours absolument parfait. Et on pourrait même dire la même chose d'Alfred Cortot, bien que ce fût un très grand virtuose. Ce sont deux interprètes qui savent dessiner une musique. Ils savent montrer ce que c'est que le sens de cette musique. J'ai eu la chance, le privilège, quand j'étais vraiment petit, d'assister au dernier cours d'interprétation de Cortot. Et c'est là qu'on voit à quel point il pensait la musique qu'il faisait. Donc c'est cette unité, en quelque sorte, cette unité, dirais-je, du sensible et de l'intelligible en philosophe, qui fait la beauté. Je vous réinviterai pour parler de musique. Mais là, on va continuer sur l'Europe. Dans l'un de vos articles, vous citez Paul Valéry. Vous parliez d'esprit. Alors justement, Paul Valéry écrit au lendemain de la Première Guerre mondiale, « Partout où l'esprit européen domine », donc il parle lui-même déjà d'esprit européen, « on voit apparaître le maximum de besoins, le maximum de travail, le maximum de capital, le maximum d'ambition, le maximum de modification de la nature extérieure, le maximum de relations d'échange. » Fin de citation. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait dire la même chose encore aujourd'hui ? C'est l'esprit européen, en effet. Je vois ce texte, je crois que c'est ces fluctuations sur la liberté qui sont tirées de ses regards sur le monde actuel. Donc c'est après la guerre, n'est-ce pas, en effet ? Et c'est ça l'esprit européen, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas aux États-Unis et oui, qu'il ne se soit pas répandu de par le monde. Mais est-ce que cet esprit européen n'est pas aujourd'hui l'objet de critiques et l'Europe n'est-elle pas en train d'être, en tout cas c'est une sorte de tarte à la crème politique, d'être considérée comme un bouc émissaire ? Je tenais à vous livrer, pour démarrer cette discussion sur l'esprit européen, un proverbe ouzbek, à moins qu'il soit albanais ou finlandais, en fait, on s'en fiche, qui dit ceci: quand la chèvre a du lait, l'homme n'a plus besoin de bouc émissaire. Et donc, quel est le lait qui manque à la chèvre qu'est l'Europe? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'Europe, enfin, l'Union européenne plutôt, soit débarrassée des attaques qui minent ses fondements? Parlons très concrètement. Il faudrait deux choses au fond. Que d'une part, l'Europe tienne ses promesses, qu'elle réponde aux attentes suscitées par ses promesses. C'est-à-dire quelles étaient les promesses alors? Oh, c'est très simple, c'est un espace de paix, bien sûr, mais aussi de sécurité, de liberté, de justice et de prospérité. Donc ça, ces promesses doivent être tenues. D'ailleurs, elles ont été en quelque sorte rappelées de façon implicite dans le discours récent d'Emmanuel Macron, le discours tenu en Sorbonne sur l'Europe. Ce sont les promesses qu'il faut vraiment honorer. Et puis, il y a aussi, et peut-être surtout, dirais-je, le fait que le processus européen, comme on dit, la construction européenne, garde sa dogmatique de départ. C'est-à-dire, il faut aller de l'avant, c'est bien parce que ça va de l'avant. Et donc, le processus prend des allures pseudo-naturelles. Les fondateurs de la construction européenne, dont Jean Monnet en particulier, étaient convaincus qu'il ne fallait surtout pas associer les peuples. Parce que, disaient-ils, ils n'ont aucune expérience de ce que peut être une construction européenne. Et puis c'était l'esprit technocratique de l'époque dans la haute administration française, le commissariat général au plan, la direction de la prévision, etc., avec des hauts fonctionnaires fervents qui étaient vraiment attachés au service au service public, etc., et qui étaient sûrs que les questions politiques pouvaient se ramener à des problèmes techniques. Donc on retrouve la critique husserlienne, n'est-ce pas, et que la démocratie, ben c'est très sympa, mais enfin, que les parlementaires ont en gros 14 ans d'âge mental et qu'il faut surtout pas les associer s'attaquer à des questions aussi complexes. Donc on est resté comme ça sur ce schéma pendant très longtemps, et ça passait. Pourquoi ? Parce que l'Europe n'était pas une affaire encore très importante. Mais elle l'est devenue, et c'est devenu très clair, d'ailleurs avec l'aide de certaines déclarations comme celle de Jacques Delors sur l'impact des mesures européennes, par exemple, ou celle de François Mitterrand sur le fait que le traité était une véritable constitution. Bon, on s'est dit, mais depuis quand tout ça, ça doit se passer à l'abri des peuples ? Et là, on exige, et c'est une exigence qui fait partie de notre héritage, et l'héritage revendiqué officiellement par les traités de l'Union européenne, c'est-à-dire la démocratie. Ici, la démocratie austère, comme disait Rousseau. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'autonomie démocratique, ou l'autonomie civique. Ça veut dire que les citoyens, et même d'une façon générale, tous les ressortissants de l'Union européenne, d'une façon ou d'une autre, veulent être de près ou de loin, et de préférence de près que de loin, les auteurs des normes dont ils sont les destinataires, ne serait-ce que par la voix de leurs représentants élus. Donc ça suppose ce que Kant appelait la publicité. Oui, ça suppose aussi, oui. Il y a la publicité au sens ancien du terme, qui n'est pas la même chose. Au sens effectivement d'un usage public de la raison, comme il disait, c'est-à-dire ouverture d'un espace public de discussion où c'est pas exactement la délibération, ça veut pas dire que les citoyens doivent adopter, comme les anciens Grecs d'Athènes ou de Corinthe sur la place publique, sur l'agora, eux-mêmes des normes, mais ça veut dire au moins qu'ils puissent demander des justifications. Et là, vous pensez que c'est pas le cas aujourd'hui ? Ah ben non, là c'est coupé. Le processus européen est coupé des espaces, des arènes publiques politiques. Il y a un style, deux styles en gros, voyez-vous, qui sont privés, qui ne sont pas publics pour le processus européen. Deux styles qui, en quelque sorte, expliquent et accompagnent le processus. C'est d'une part le style bien connu et toujours stigmatisé des tractations techno-bureaucratiques autour de la Commission, et c'est le fait de tractations avec les groupes d'intérêt, les lobbyistes, qui sont extrêmement nombreux, grappés sur la rue de la Loi à Bruxelles, autour de la Commission. Et ça, c'est un style qui est privé, évidemment, puisque ce sont des tractations de couloir, au fond, ce sont des groupes de pression. Et puis, le style diplomatique, qui n'est pas moins privé, c'est pas public, c'est de la négociation diplomatique. Et alors, justement, donc, à la sortie des sommets européens, la main dans la main, on dit, nous sommes divergents en détail, mais sur le gros, nous sommes d'accord. Parfois, c'est pas vrai du tout. Donc, on met sous le boisseau tout ce qui se joue. Et on n'a pas le style proprement démocratique de confrontation, certes civile, publique, voire conviviale, mais ouverte. Et c'est ça le moyen pour les citoyens d'être associés au processus européen. Il faut politiser dans le bon sens ce processus européen. Jusqu'alors, la politisation, elle est négative, c'est-à-dire qu'on critique l'Europe, c'est une forme de politisation, n'est-ce pas ? Mais les peuples et leurs représentants, à commencer par les parlementaires nationaux, ne sont que très peu associés au processus décisionnel européen. Et donc, il y a cette coupure post-démocratique qu'il s'agit maintenant de refaire le lien. Et comment est-ce qu'on pourrait le reconstruire ? Écoutez, il y a des façons très simples de le faire. À mon avis, c'est pas avant tout une question d'ingénierie institutionnelle. C'est pas en réformant le Parlement, en réformant même la Commission, ou en réformant le Conseil surtout, qu'on y arrivera. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut déjà commencer par changer de style. Je donne un exemple très concret. Donc là, ce n'est plus un exemple tout à fait actuel, mais l'exemple d'avant les dernières élections présidentielles françaises, à l'époque où le président français, François Hollande, avait, c'était le thème principal de sa campagne électorale au moment d'être élu, réorienté l'Europe pour redresser la France. Donc son programme, c'était bien cela. Et il était très, très opposé à la voie allemande ordo-libérale. Et c'était ça, sa campagne électorale. Et alors, ce à quoi l'on aurait pu s'attendre, c'est à une mise en arène publique de la divergence, sous l'argument, écoutez, entre nous, entre Français et Allemands, et dirigeants, depuis Adenauer, De Gaulle, jusqu'à Schröder, Chirac et Merkel, Sarkozy, nous sommes suffisamment amis pour pouvoir nous dire les choses en face, et publiquement, et associer les peuples. Alors pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, une conférence de presse conjointe entre le président français et la chancelière allemande, où chacun dit quelle est sa voix pour l'Europe et singulièrement pour la zone euro qui est verrouillée. C'est une véritable catastrophe qui résulte, dirais-je, directement de la volonté allemande sous les présupposés de la doctrine ordo-libérale. C'est une Europe qui est une zone euro qui n'est pas faite pour supprimer le chômage de masse. Au contraire, elle est faite pour entretenir une forme de stagnation économique doublée de régression sociale. Donc, ça, c'est la voie qui était jusqu'alors la voie allemande, entre guillemets, n'est-ce pas ? Il n'y a pas que des ordo-libéraux, Dieu merci, chez les Allemands. Et expliquer cette voie, la défendre, et de l'autre côté, du côté donc du président français, bon, c'est plus le cas de M. Macron maintenant, il est quand même beaucoup plus proche idéologiquement de Mme Merkel que ne l'était en tout cas officiellement François Hollande, et de dire, bah non, ça ne va pas pour telle et telle raison, il faut réformer la zone euro dans telle et telle... Il n'a rien fait, il a cru que tout allait pouvoir se passer, encore une fois, sur le mode privé de négociation diplomatique, etc., et surtout sans y associer les peuples, sans passer au registre proprement démocratique d'une confrontation publique, mais non moins civile et conviviale. On peut les faire. Lorsque vous dites cela en tant que philosophe, est-ce que les politiques vous écoutent ? Est-ce qu'ils vous demandent un avis ? Ou est-ce que ça se passe complètement hors du champ de la pensée ? Pas complètement, voyez-vous, parce qu'il y a, mais il y a beaucoup de filtrage, puis il y a beaucoup de relais aussi. Il y a des gens qui sortent des idées comme si elles venaient d'eux-mêmes, et puis ça, de fil en aiguille, ça finit par parvenir, n'est-ce pas ? Et je l'ai bien senti, d'ailleurs, je dois le dire en toute simplicité, j'ai bien senti dans le discours, le dernier discours d'Emmanuel Macron, mais il ne le sait peut-être pas lui-même. Mais peu importe, mais ça m'est égal. Moi, je fais mon travail, je ne cherche pas à faire de l'entrisme dans la classe politique, le moins du monde. Je pense que de plus en plus les choses feront leur chemin. De toute façon, je trouve que aujourd'hui ça s'améliore. Il y a un vrai discours sur l'Europe du fait de notre président actuel. On peut ne pas être d'accord parce que c'est une voie, à mon avis, fédéraliste qui n'est pas forcément de toute innocuité. Mais enfin, le style, je reviens sur ce style. Ce que je voulais dire juste en complément, c'est très important d'associer les publics, comme on dit maintenant, plutôt que les peuples, c'est que quand vous avez la mise en scène et en arène d'une divergence amicale, mais non déguisée, entre France et Allemagne, bien les gens s'y intéressent. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup, beaucoup plus prenant qu'un monologue, un exposé, souvent ennuyeux, rébarbatif, technique, tandis que si on met en scène les désaccords, les gens doivent être pour ou contre. Et donc, ou bien proposer de nouvelles choses. Oui, et oui, s'ils le peuvent, mais c'est très compliqué. Et donc, ils écoutent, ils veulent comprendre. Beaucoup plus que si on leur refile un texte ou si on leur fait un gros exposé. Et c'est très important, le débat. C'est très pédagogique, le débat pour la démocratie. Le vrai débat, la vraie confrontation. Et il faut que ça commence par le sommet. Je ne crois pas du tout ces idées qu'il faut commencer par les référendums d'initiative populaire ou tous ces gadgets de démocratie participative. Ça viendra après, peut-être, mais il faut commencer par le haut. C'est toujours comme ça, d'ailleurs, que l'Europe s'est faite. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Jean-Marc Ferry, le temps passe. Oui. C'est bientôt la fin de l'émission. Et je sais que vous avez prononcé un discours la semaine dernière à Bruxelles sur le thème politique et religion dans l'espace européen, réflexion sur le partage public-privé et ses justes critères. En deux minutes, est-ce que vous pouvez dire le message principal qui est le vôtre ? C'est qu'il faut réfléchir sur les critères qui président à ce partage public-privé. Alors évidemment, qu'est-ce qui s'est passé qui oblige à changer ? Ça explicite beaucoup. Bon, vous avez beaucoup de domaines. Vous avez un domaine très évident qui crève les yeux, c'est le domaine de l'économie et de la financiarisation, etc. Vous avez eu le coup d'éclat, notamment de la part du ministre-président de la Wallonie, Paul Magnette, contre le CETA, le traité avec le Canada, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il refusait ? Il refusait deux choses. D'une part, qu'il ne pouvait pas être mis au courant de l'évolution des négociations sur le traité transatlantique, et il ne pouvait pas, et il refusait aussi l'idée que les arbitrages entre les contentieux entre les États et les grands groupes économiques puissent être le fait d'avocats privés. Alors, voyez-vous, contre quoi s'indignait-il ? Contre la subversion du public par le privé, la subversion du politique par l'économique, et même la dérive de l'économique dans ce qu'Aristote appelait la crématistique, c'est-à-dire rechercher la l'argent monnaie. Pour l'argent, et non pas et le détourner de ses finalités sociales. Alors, ça, c'est un premier aspect de... Et puis, il y en a d'autres. Alors, dans le domaine des rapports entre religion et politique, je dis les choses très vite parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle les nouveaux problèmes de société. Ces problèmes sociétaux, GPA, PMA, IVG, etc., mariage, adoption d'enfants par des couples homosexuels, etc., etc., la manipulation génétique. Donc, tout ce qui est souvent lié au progrès des biotechnologies, eh bien, ça nous soulève, qu'on le veuille ou non, des problèmes métaphysiques lourds. Sur la mort, sur le sens de la vie, etc. Et ce serait une grave erreur de se fermer aux intellections formées durant des siècles et des siècles par les grandes religions et les autres religions, d'ailleurs pas forcément les religions dites du livre ou abrahamiques ou prophétiques, mais aussi... Bon, les religions ont un potentiel de signification, un potentiel sémantique très important, et ils ont archivé des expériences. Mais qu'est-ce que vous dites quand on vous accuse d'acte de foi Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que ce que l'on appelle la raison publique, c'est-à-dire ce qui organise, ce qui est politiquement légitime comme argument pour adopter ou pour rejeter des normes ayant des conséquences politiques, cette raison publique est encore beaucoup trop étroite, parce qu'elle est essentiellement structurée par l'esprit du droit. Et l'esprit du droit, bon, c'est l'esprit de ce qui est juste, qui est injuste, qui est équitable, de ce qui est de la réciprocité, etc. Elle ne peut rien faire. L'esprit du droit ne peut rien faire face à ces nouveaux problèmes où il y va de la vie et non pas de la liberté ou de l'équité. Donc, on doit accepter l'idée qu'il y a des lumières, je le dis sans rougir, de la religion qui doivent entrer dans la raison publique. Mais pour ça, il faut que de l'autre côté, les religions intériorisent des principes essentiels aux sociétés ouvertes que sont le faillibilisme, le criticisme et aussi le perspectivisme. Merci Jean-Marc Ferry d'être venu à la conversation scientifique avec une fougue qui croît à mesure que le temps passe. Il faudra revenir pour aller encore plus loin dans votre argumentation. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Cyril Baer, la technique Pierrick Charles et à la réalisation François Connac. Quelques instants, vous retrouvez Christophe Renaud-Dibiot pour le temps des écrivains.